tape une petite branlette. Et ça va mieux, oui ça va mieux après. Libéré de mes humeurs excessives. Et ça va mieux, oui ça va mieux après. Libéré de mes pulsions instinctives. Ça ne règle rien.